Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM. C'est maintenant l'heure de Plectrum, la grande traversée du jeudi, en ma compagnie André Péloquin. Aujourd'hui, encore moins de bavardage que d'habitude, parce qu'il se passe quelque chose de révolutionnaire ici même à Plectrum. Du contenu! On va avoir un entretien plus tard en 7 heures avec Ariane Gruet-Pelcha, personnage ambivalent de la scène locale montréalaise, qui est aussi journaliste, notamment pour Bang Bang, musicienne aussi, et aussi membre du collectif La Goupille, qui organise un événement assez spécial ce samedi au Club Lambie. Ça s'appelle Ruscrunch et c'est un hommage à l'art trash, une soirée multidisciplinaire. Elle va nous donner plus de détails plus tard, mais avant, débutons en Lyon avec un peu de rock. On va avoir entre autres du DJ Zebra, au savoir du Xavier Caféine, mais avant, on débute dès maintenant avec une bombe avec les vulgaires machins. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre par courriel au plectrumcism@hotmail.com. Maintenant, on débute avec Comptez les corps. Tout seul, je veux pas mourir de honte. En petite miette sur le seuil, comptez les corps qui tombent. Je veux pas rester tout seul. Faisait mal, mais la vérité est encore pire. Les imbéciles se convertissent par millions et les escrocs gagnent du terrain. Les architectes nous dessinent une illusion et l'indifférence nous trace le chemin. Je compte les corps tombés comme des feuilles mortes sur le terrain. Nous dessine une illusion et l'ignorance nous trace le chemin. Je compte les corps tombés comme des feuilles mortes sur le terrain. Seul, je garde mourir le monde en petites miettes sur le seuil. Je sais et sur ma feuille. Mourir. cœur, mais sans toi, il est mort dans la rue. C'est comme dans tous les carousels, il y a un sauvage chez les chevaux qui pourrait s'enfuir au galop. C'est quand on vit dans une poubelle qu'on se sent comme une étoile. Chacun de chaque côté, on a l'air de mérou coincé dans l'aquarium. Mais faudra qu'entre nous je casse la plexiglas et qu'un jour mais je te parle en face. Que je te raconte l'histoire du petit ticket troué qui n'a jamais vraiment marché pour aller se balader. Oh. Parler dans l'Ijapon. T'as pas besoin de sonner, demande à l'interphone. Si t'as envie de quelqu'un, décroche ton téléphone, danser. Tu connais les microphones. Y'a pas besoin de gueuler, demande un mégaphone. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. voit plus personne. Au bout du fil, tu n'auras plus personne. Au bout du fil, tu n'auras plus personne. Car au bout du fil, tu n'auras plus personne. C'était DJ Zebra avec un mashup qu'il a intitulé Téléphone Book. Bonjour tout le monde, c'est André Péloquin et c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se poursuit dans vos tympans. Un peu avant, on avait Xavier Caffine avec Gisèle et on a débuté avec les vulgaires machins, c'était la pièce Compter les corps. On va poursuivre dès maintenant avec des chansons qui verse dans l'électropop. On va avoir du Lily avec Respire, Autour de Lucie avec Je reviens. On va aussi avoir le Tube, journaliste de la formation préférée des jeunes, numéro, mais avant un duo de choc, avec Tequila Tex et Lio. Si vous voulez avoir plus de détails sur la programmation de l'émission d'aujourd'hui, ou encore participer à notre concours entourant le festival Rescrunch, je vous invite à consulter mon site web pour avoir plus de détails sur la programmation et sur cette soirée. C'est au plectrumcism.blogspot.com. Pour avoir plus de détails sur la programmation globale de CISM, ça se passe sur le site officiel de la station, c'est le cism893.ca. On y va dès maintenant avec un duo entre Tequila Tex, le gars qui ressemble à une grosse boule de bowling blanche là, de TTC, et l'icône de la pop 80s française Lio avec la pièce Les Matins de Paris. Tout ça sur le 89.3 FM. J'ai des frissons quand ça ne téléphone. L'émission sur la télé résonne. J'allume une cigarette et m'étonne de me sentir bien dans mes westerns. Les piétons marchent sans regarder. Les pigeons discutent sur les pavés. Je t'oublierai jamais. Isabelle attachée de presse. Mais c'est pas dur de dire que ça sonne comme tes influences citées dans les interviews. Que de toi, que je dis, vu que je dis même commentaire. J'suis payé, payé pour ça, alors t'en fais pas. Moi je suis, moi je suis sympa, y'aura pas de débat sur toi. Journaliste tout le temps, c'est pas facile. Catherine, même quand je sors le soir avec mes amis, c'est les mêmes choses qu'on dit sur ton album. Et le soir, mon lit, je formule, j'analyse ce qu'il faut que je dise pour plaire à la tâche et presse. Et le soir, mon lit, je formule, j'analyse ce qu'il faut que je dise pour faire celui qui connaît le problème. 11h du mat, je m'installe à mon bureau. J'improvise et je parle de ton album. Référence chic et cynisme dans mes propos, pour plaire aux intellectuels de mon immeuble. Nom de groupe, trop tendance pour être connu. Faut que je surprenne les plus branchés d'entre nous. Journaliste tout le temps, disparu. C'était Lily et Respire. Bonjour tout le monde, c'est André Péloquin qui vous embête une fois de plus entre ces fantastiques blocs musicaux de Plectrum, la grande traversée du jeudi. Un peu avant, on avait Je reviens de Autour de Lucie, on avait aussi du journaliste de numéro et on a débuté avec Tequilatex en compagnie de Lio. C'était la pièce Les Matins de Paris. On va poursuivre de maintenant avec des pièces rap d'un peu partout dans la francophonie. On va voir tout d'abord du Québec, South Squad avec Together, Power Up First en duo avec Seba avec la pièce Je garde ça réel. On va aussi avoir de la Colombie-Britannique, si je me rappelle bien, Jacobus et Maléco qui vont nous faire la pièce avec la musique produite en collaboration avec Ghislain Poirier. Mais avant, quelqu'un de l'Hexagone, on la connaît surtout pour son hit Short Dick Cuisy, je parle bien sûr de Yel. Elle va nous faire une nouvelle pièce dans quelques instants. Si vous avez de l'espace sur votre iPod Nano, qui je crois sont maintenant rendus à 14 terabytes, eh bien allez sur mon podcast, c'est le podmodernisme.blogspot.com pour télécharger d'autres épisodes fantastiques de musique locale. On y va de maintenant avec la nouvelle pièce, la nouvelle offrande de Yel, et ça s'appelle Jogging et ça joue dans tes oreilles dès maintenant. Pour me faire des fêtes en béton, véritable béton, un garçon j'hallucine sur le compteur. Record abattu d'une demi-heure sans broncher, le Mont Saint-Michel a grimpé. J'ai mis mes lunettes 3D et mon ventilateur pour faire voler mes cheveux au vent virtuel de la mer virtuelle dans mon salon virtuellement brumisateur. J'accorde une importance particulière à la cadence. Le tempo accélère, accélère et j'entre en transe. Toute sœur se lève comme les enfants au soleil. Mon odeur particulière se révèle particulière. Je ne sens pas mauvais, mais plus fort que le sel de mer. C'est pas que ça me plaise, mais c'est une condition pour plaire. en été. Tout ça que tu sais, point à ça que tu sais. Y'a des chemins d'affaires soleil, laisse-nous jouer. Notre crew sound qui est fou et rebondissant. Comme une planète de rubber, c'est la Black Mission. Ask your doctor pour la permission. Throw a ticket Babylon au Moyen-Orient. Chaque bus m'a l'écho et j'y sais poirier. Lex le Mexican textile et Timothée. So what you do? C'est une bande de fous. Travelons en chameau. Walla walla c'est tout. Walla walla c'est gros. Walla walla c'est fou. Walla walla c'est la seule affaire qui tient debout. Pense ce point là de la loi qui va nous tient en ligne. De ma savane à la chaîne. Grab toi une vigne. La conquête qu'elle existe sous forme si optimiste. C'est une option. L'illusion t'arrive à la conclusion. À pousser les limites comme c'est l'insolite. Arriver quelque part et avoir un regard. On star, donnez-moi la direction. À guider l'érection. La mission impossible aucune. Ma c'est cool la connexion. À des fous et les sages. Hein? Tournons la page comme le dernier chapitre. Le dernier mot avant le point, je te serrai la main. Mais je ne peux pas avoir un mot à dire si je ne peux pas avoir un mot à écrire. Mais comme je suis un poète, le monde assume trop. Il vit des gros mots comme Marcel Autopin. Et que c'est qui le groupe Jacobus, je ne sais pas. Pourquoi le monde demande si je parlais la langue dès ma naissance ou de première croyance. Le silence est absolument pas nécessaire. Avec la musique, musique, musique. Avec la musique, musique, musique. Le bon dire comme le musique de dire. Tu l'admires, oh oh. J'irai que veut dire faut baser. Avec la musique, musique, musique. Avec la musique, musique, musique. Le bon dire comme un musique de dire. Tu l'admires, oh oh. J'irai que veut dire faut baser. Avec la musique, musique, musique. Avec la musique, musique, musique. Je n'ai pas besoin de cette origine. Va prendre toute la place. Bienvenue dans ma tête. Quand il va dans ta face. Les beats fall comme une vache. Contaminé par la srasse. Propagé dans les masses. Ce sont qui fassent ce qui fassent. La race. Mais sur la télé comprend l'idée que la et poirier, pour les palmarès comme des escaliers à pied, comme tous les indépendants, c'est le succès pas mesuré en pied carré. Un couple de fous dans le club, on fait sauter. Tiens pas ton souffle comme David Blaine. En attendant qu'un iPod arrive dans la main, voilà, tu l'as chargé et le remixé. Le bruit depuis le coupé, même l'écouter. Dans ton Pontiac ou ton Bentley, ton Toyota ou ton Chevrolet, ou n'importe quoi qui va aller vite sauter. Puis drive mon fou comme un vent passager. So amarez-vous à ceux qui viennent premier. Mettons sur une chemise comme la Versace. Tic-tac, prends le temps comme un monde volé. Avec une trame sonore qui vient des 7 et jusqu'à T. C'est règle dans les cœurs, y'a des lignes pointillées. Les barres et raquettes du Québec viennent casser. Le bon dire comme un visite de dire, tu l'admires. Oh oh, j'irai que veut dire faut baser. Avec la musique, musique, musique. Avec la musique, musique, musique. Le bon dire comme un visite de dire, tu l'admires. Oh oh, j'irai que veut dire faut baser. Avec la musique, musique, musique. Avec la musique. Musique, musique. Rouler générique, on braque party day. C'est avec le sang que tu veux. Puis c'est pour ça qu'on est ici. Un œil dans ta maison, dans ton salon, dans ta boîte de nuit. Vacar musicalement. Ah, let's do West, so we new channel sur le nest. Moi j'ai ma all access card, j'vais faire une mess. Moi j'dis, fuck les murs, les purs et durs. Alors j'ai des satellites, y existe plus d'armure. C'est un village global, ce sont nos cabanes. Allez, voir le gars, c'est face à face. Man, si j'sont tous des frères, trouvons la meilleure. Puis jouons une tune pour la planète entière. Rebondir comme un visite de tir, tu l'admires. Oh oh, j'irai que veut dire faut baser. Avec la musique, musique, musique. Avec la musique, musique, musique. Rebondir comme un visite de tir, tu l'admires. Oh oh, j'irai que veut dire faut baser. Avec la musique, musique, musique. Avec la musique, musique, musique. Ok, ok, le monde entier. Hey yo, ça l'a que pour certains. J'suis pas un vrai rapper. J'passe ici, j'passe ça, j'fais pas assez peur. J'ai un côté moi qui s'apparente plus un rocker qu'à n'importe quel autre microphone controller. À côté plus pis de l'onge, ça sort d'extra. Un hyperactif MC. Les familles, tu es pas paria du rap. C'est pas moi des meufs de Brigitte sans cesse se dresse. J'ai pas le look, j'passe pas de bout. J'prends pas la mémoire de cette soirée. Ben non, j'porte pas de pyjama pis de crest en fer dans le trou. Mais quand j'pogne le mic, j'suis capable d'assonner des coups. J'suis différent, j'laisse personne indifférent. J'porte top, c'est effrayant. J'fais mes pop effarant. Live, personne conteste mon talent. Après l'avènement, mais les habitués sont dépassés par les événements. J'keep it real, j'fais ça ma façon. J'fais la veille et coche, pas besoin de leçons. Ça fait un peu cette fois comme initial. J'garde ça réel, quand j'rappe et quand j'parle. J'keep it real, j'fais ça ma façon. J'fais J'fais de la veillée coche, pas besoin de leçon. Tu sors pas de cette croix comme initiale. J'garde ça réel quand j'rappe et quand j'parle. Parce que j'arrive avec des références connues pas grand monde. Que j'parle de sujets qu'on n'aborde pas souvent à ses ondes. J'ai bien de la misère à être compris, les théories que j'démonte. Pour moi, c'est mon vrai côté. C'est ma vraie face que j'commande. J'm'inspire de moi. Pas de ce que j'vois à cause, j'parle de qu'est-ce que j'connais. Pas de ce que j'ai inventé. Jamais tué personne, jamais fait d'autres peurs. Fait pour que c'est faire que je parlerai de tout ça dans mon hip-hop. Yeah, c'est bien simple, mon emblème, c'est moi-même. En un mot, j'suis pas un fake, j'suis pas de game. Parle de où est-ce que c'est que j'm'en vais. Tu sais que j'viens, j'parle sur tous ces mots. Yeah, j'parle aussi des miens. De toute façon, j'ai pas assez d'imagination pour m'inventer une vie juste pour en faire des chansons. J'reste connecté 24/24 sur mes émotions. J'que j'suis, j'ai le pouce vide comme les grilles sur micro-sion. J'fais ça ma façon. J'fais la veille et coche, pas besoin de leçons. Sauveur de cette corde comme initiale. Garde ça réel quand j'rappe et quand j'parle. J'keep it real, j'fais ça ma façon. J'fais la veille et coche, pas besoin de leçons. Sauveur de cette corde comme initiale. Garde ça réel quand j'rappe et quand j'parle. Et ça met chum rapper libre à me dire. Si tu joues cliché du rap juste pour rentrer dans la game, on va être resté fidèle à ce qu'on est vraiment dans soi-même. Moi j'essaie juste de pas me trahir dans qu'est-ce que je vais écrire. De poser des gestes conséquents sans me contredire. Shit, mais c'est rendu que je me sens obligé de me justifier. Si tu rap, c'est vrai, tu devrais te justifier. J'fais ça ma façon. J'fais la veillée coche, pas besoin de leçons. Sauveur de cette croix comme initiale. J'garde ça réel quand j'rappe et quand j'parle. J'keep it real, j'fais ça ma façon. J'fais la veillée coche, pas besoin de leçons. Sauveur de cette croix comme initiale. J'garde ça réel quand j'rappe et quand j'parle. Remember 1994, on pratiquait le flow. 96, blew up the first show. 98, on vous a donné le promo. 2 triple O, we tried to get a little dough. But things fall apart, now I'm back at the start. 9 years later, still going for my fuck the haters. Trust me, there's no love in this industry, it's just me. Willie Bombay's ready to bomb these streets since 2003. Smash the crowd, bring down the top MC. No, you can't rock like me. Too much funk for you to smell me. This year is all coming back mighty healthy. It's not a mystery. Check my family's history. Used to be 5, now we're down to 4. Still I keep it live uptown and South Shore. Whatever you want, I got more. 5 or 4, live or tour. You ain't never heard no style like this before. That's for sure, my back stay fat. If I'm rich or poor, I got you open like a bitch of a whore. Call me a player cause I'm fitting the score. Kick in the door. Big chops, Willie and Tone. Tout le monde se met au garde à vous. Stay down avec mon crew, lève tes mains dans les airs. Et je m'exprime pour ma personne. Gun clap, je connais pas, c'est avec le mic, les miens résonnent. C'est avec le stylo et le bike, les miens détonnent. Et c'est toujours beat après beat, le squat détonne, puis reste dans le zone. Time for some action. Encore un autre classique, encore une autre fois qu'on va nous boycott parce qu'on vous shot comme la statique. Trop chaud, on fait fondre l'Antarctique comme du plastique. Tout politique de bien, il fait fuir les fanatiques. On talk de mouvement, mais y'a rien qui se met en pratique. Nous on va pas split, on fait pas de gymnastique. Foxy, Big Chop, Shorty Ross, ça c'est mon grip. Et on fait juste commencer. Du sous-sol de FNG, maintenant c'est Glam Life, Raps et SNC. We gon' get that money together. Whatever they say, we still bring that flavor. South Squad back in effect like forever. Foxy, Big Chop, Willie and Tone. You be a beat, I flip shit like a fin flip toes. I flip flows. South Squad with rip shows, we back. I wipe the dust, music dust, it's love, not lust. Get that shine, got a passion to rhyme. Not a split second to lose, running out of time. Get yours, better believe I'ma get mine. Yeah, for sure, nigga, gotta get yours. Yo, love in the streets, love for our beats. Every track is a treat, bounce up your feet. Move, move, cause it's hard times to come up. For the blow up, belt, get up. They ain't taking us down, I'm that same class clown. I'm invading your town. 514-550 South, we gonna make it, no doubt. From now and beyond, South Squad is too strong. Où sont nos partisans, nos compatissants, les hommes et les femmes pour qui nous bâtissons? Écoute les trompettes de ma révolution, on vient nettoyer la mer des pollutions. Mon nom, mon clan, c'est ta seule solution. Ma voix, mon son, te donne pas de permission. Ma voix, mon beat, c'est comme une collision. Ma voix, mon beat, c'est toute une invasion. Écoute mon changement d'intonation. Pour mes blancs, pour mes blacks, pour toutes les nations. Pour les bleus, pour les rouges, ma population. Pour les pauvres et les riches, même les frères maçons. Pour le bien, pour le mal, tous ceux en prison. Pour le ciel et la terre et toutes ses saisons. Pour les miens, pour les tiens, dans toutes les maisons. Pour la paix, pour la guerre et toutes ses raisons. Money together, whatever they say, we still bring that flavor. South Squad back in effect, like forever. Bugsy, Big Chop, Willie and Tone. Rebonjour tout le monde! On vient d'entendre Together de South Squad, ici même sur Plectrum, l'émission animée par André Péloquin qui est moi-même, et c'est la grande traversée du jeudi ici même à CISM. Un peu avant, on avait Power Up First en duo avec Seba, c'était la sensationnelle, je garde ça réel. On a eu aussi un brûlant de choc, Jacobus, Maléco et Ghislain Poirier, réunis sur la pièce avec la musique, et on a débuté avec Yel. C'était la pièce Jogging. On va poursuivre maintenant avec du contenu! Cette entrevue dont je vous parlais au début de l'heure avec Ariane Gruet-Pelcha, journaliste fervente, fer de lance de notre scène musicale locale, mais aussi membre du collectif multidisciplinaire La Goupille, qui va nous parler un peu de cet événement qui va se tramer au Club Lambi ce samedi, le Rescrunch. Afin de vous égayer pendant cet entretien, j'ai glissé une pièce afin de diviser l'entrevue en deux parties. Et cette pièce, je vais vous dire dès maintenant, c'est Millie Croche qui nous fait une reprise du Soldat Lebrun. Oui, oui, c'est la pièce « Chantons notre amour ». Et maintenant, place à cette entrevue de choc qui ferait dire de Paul Arcand. Wow! Ça, c'est des questions profondes, André! Oui, Paul. Oui, je pose des questions qui ont beaucoup de profondeur. Maintenant, public, tu vas le découvrir. Bonjour, Ariane. Aujourd'hui, tu vas nous parler de Rescrunch, qui est organisé ce week-end, samedi le 9 décembre, au Club Lambi, 4465 Saint-Laurent. Prenez-le en note. Tout d'abord, Ariane, pourrais-tu nous parler un peu du collectif qui organise ça, La Goupille? La Goupille, c'est un collectif de diffusion artistique. En fait, c'est un OBNL, organisme à but non lucratif. Puis on a plusieurs volets. Premièrement, justement, on organise ces événements-là qui sont des événements pluridisciplinaires. C'est saisonnier, à peu près 3 par année, quelque chose comme ça. Puis on fait aussi des plus petits événements, à peu près bimensuels, avec un band, un artiste visuel, des trucs comme ça. Et sinon, on a le site Internet où on a commencé à faire vraiment de la couverture d'événements parce qu'avant, on avait un journal qui était lui aussi saisonnier, puis qui est un petit peu relié à notre événement. Mais là, on a décidé de passer pas mal à l'Internet parce que, ben, surtout pour des problèmes environnementaux, pour des causes environnementales, puis aussi parce que c'est plus rapide, ta couverture d'événements est plus directe, puis moins de recherche de pub, c'est des trucs qu'on trippe moins, évidemment. Là. Ouais. Donc voilà, ben, c'est sur Internet, on fait toujours un volet vidéo, ben, des photos, puis des articles. Et on fait tout le temps une pas pire couverture, par exemple, au FME, au GAMIC, quoi d'autre. En tout cas, des événements comme ça, assez gros, Pop Montréal, où est-ce qu'on a fait vraiment plusieurs formats là, de couverture, là, mettons. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut, c'est offrir une visibilité aux artistes émergents, mais avec le plus underground entre guillemets possible ou expérimental ou tu sais on va être plus intéressé par des trucs comme mettons le truc ensemble qui font de la musique expérimentale improvisée pis tout ça que par un band quand même mettons Dochesis là qui sont tu sais comme semi émergents mais tu sais connus ouais, ouais. Fait que pis c'est ça puis évidemment ben c'est pluridisciplinaire là comme je disais donc c'est pas juste la musique. parfait. Et pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, le site web de La Goupille, c'est www.lagoupille.org. Assez facile à s'en rappeler. Et maintenant, allons au cœur du sujet. Rescrunch, espèce de foire de l'art trash, peux-tu... que c'est ça, finalement? Ça vient d'où, cette envie de célébrer l'art trash? Ben, c'est ça, comme je disais, on fait des événements pluridisciplinaires saisonniers. Celle-là, c'est la deuxième édition de notre événement sur l'art trash, parce que sinon, on en a un aussi sur l'art absurde, puis un autre qui s'appelait Cosmopolis, là, sur l'ouverture du monde et tout ça. Mais on a plus trippé avec l'absurde puis le trash. L'usine 106U qui vont être là, les bobettes Trashigaga qui font des bobettes sérigraphiées, des trucs comme ça, qui font, ou ben, Mimi Trayette qui fait des espèces de pieuvres toutou un peu grossières. C'est super motivant là, à découvrir. Il y a toujours plein de choses à découvrir. Donc c'est ça. Ben, cet événement-là, c'est le deuxième. Le premier s'appelait Scrunch, c'est pour ça qu'on l'appelait Scrunch. Scrunch, ça se veut un... Ces événements-là, en fait, saisonniers, c'est comme vraiment une grosse célébration où est-ce qu'on veut relier toutes les formes d'art. On veut mettre en contact des gens qui ont une espèce de la même vision un peu, mais qui se voient pas d'habitude. Par exemple... justement là, un performeur avec un musicien qui d'habitude se voit pas. Alors c'est ça, on veut rejoindre les différentes formes d'art, fait qu'on veut faire une grosse célébration dans le fond, où est-ce que tout le monde peut voir. Admettons, moi je vais pas aller voir de la danse par moi-même, plus, tu sais, je vais plus aller voir de la musique que de la danse, disons, mais je vais pouvoir tomber sur un artiste qui fait quelque chose qui me rejoint parce qu'il y a le thème ou une démarche qui va m'accrocher, tu sais, si je m'en vais voir de Scrunch. Dans la musique, il va y avoir Jérémy Mourant qui sont des vieux trash qui pratiquent pas, qui se pitchent partout. C'est vraiment la débauche totale. Avec une grosse voix, là, Jacques Bertrand, le chanteur, a une espèce de voix super profonde, une voix des bas-fonds, là, comme il y a bien de l'alcool puis bien de la cigarette là-dedans. Il y a Sound Asleep, qui est un band de métal, et Porno Robot. À part ça, on a des performances de Vincent. On a toutes sortes de choses. On a du body painting fait par Astou, un graffiteur, A-S-T-W-O. Qui est vraiment de haut calibre, puis qui va faire son œuvre sur Madame Evelyne la coquine, parce qu'évidemment, on cherchait quelqu'un de très à l'aise avec son corps et ça va lui faire plaisir. À part ça, on a plein de vieux Paddle 4, des vieux vidéos 8-bit, Nintendo 8-bit, je veux dire, on a 4 Nintendo, on a des cassettes de 100 jeux, fait que ça va être des super concours comme ça. Puis on a une petite foire trash avec, c'est ça, les bobettes Trashigaga, l'usine 106, donc Mimi Trayette, Rosa Roquette, Minushka. On a aussi des courts-métrages de Ciné K.O. qui sont aussi maintenant Gros Méchant Film. C'est parce qu'avant, ils faisaient au Café K.O. Maintenant, ils changent de salle. La dernière fois, c'était au Saphir. Puis eux autres, leur but, c'est de présenter tout ce qui n'est pas diffusé d'habitude. Puis là, on a fait une sélection parmi les courts-métrages qui ont été présentés là, puis il y en a des vraiment très cool. Ouais. La lune rayonne dans le firmament, la brise fredonne, la joie du printemps. C'est un vrai bonheur d'admirer les cieux et chanter en chœur des chants d'amoureux. C'est moment suprême. Chérie, sans trop court, dis-moi que tu m'aimes, chantons notre amour. Je veux me griser et bercer l'espoir de toujours s'aimer comme on s'aime ce soir. Tes lèvres brûlantes, tes beaux yeux rêveurs, en toi tout m'enchante, donne-moi ton cœur. Je veux me griser et bercer l'espoir de toujours s'aimer comme on s'aime ce soir. Tes lèvres brûlantes, tes beaux yeux rêveurs, en toi tout m'enchante, donne-moi ton cœur. Oui, pour le monde qui voudrait y assister, pourrais-tu nous dire vers quelle heure ça commence et où on peut se procurer les billets, s'il te plaît? On ouvre les portes à 8 heures avec des DJ. Il va y avoir, c'est les DJ Maman, laisse-moi sortir ce soir. Mmh. j'ai fini mes devoirs. C'est la fin de la phrase. On ouvre à 8h. Ça commence à 21h pile avec les films de gros méchants films. Les billets, on peut s'y procurer. Allez sur le site lagoupille.org. Ça coûte 6$. Ça va être à la porte ou sur le site. Puis vous pouvez en réserver, c'est ça, sur l'adresse. C'est matante@lagoupille.org. Et d'ailleurs, pour les auditeurs qui nous écoutent, on a une paire de billets à faire tirer. Vous n'avez qu'à m'écrire au plectrum@hotmail.com. On va d'ailleurs en profiter pour souhaiter un bon scrunch à Ariane. Et merci de t'avoir déplacé pour ce petit entretien. Merci beaucoup à toi, M. Bourdieu. Je mange avec des baguettes au restaurant chinois. Ma joie serait incomplète sans baguette au chinois. Ça fait dans mon assiette comme un balai oriental. Entre croquettes de soja et pâté impérial. Je mange avec des baguettes au restaurant chinois. Moi je trouve ça très chouette, essaie et tu verras. Tu te battras sans doute avec des pousses de bambou. Mais tu seras bien exercé pour le canard lacté. Avec des baguettes au restaurant chinois. C'est beaucoup mieux qu'une fourchette et qu'un couteau, crois-moi. Quand je n'ai pas d'argent, je ne prends qu'un bol de riz blanc. Oui, mais avec des baguettes, le riz c'est épatant. Un projet depuis plusieurs années afin d'extraire de l'essence des pommes de terre. Ce qui éviterait la consommation onéreuse du pétrole et faciliterait la circulation de toutes les voitures sur la Lune.